Oyez, oyez, les jeux Mission Patrimoine sont de retour en point de vente et sur fdj.fr. Avec les tickets à gratter illico Mission Patrimoine, vous pouvez gagner jusqu'à 1,5 million d'euros tout en aidant le patrimoine français. Pour chaque ticket acheté, une part est reversée à la Fondation du Patrimoine pour aider à la restauration de monuments en péril. Alors jouez pour vous et pour l'histoire. Bonsoir, dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Jean Renoir, un cinéaste sous le Front populaire. Jean Renoir, le génial réalisateur de La Grande Illusion, Boudu sauvé des eaux, Partie de campagne, La Règle du jeu, quelques-uns de ses films, des chefs-d'œuvre du cinéma français, du cinéma mondial même. Mais en 1936, Jean Renoir, qui n'est pas encore connu du grand public, s'engage dans une voie nouvelle pour lui. Il accepte de tourner un film de propagande pour le Parti communiste français. Comment pourrait-il en effet résister à l'élan qui s'élève en France en faveur d'un front populaire, tandis que les ligues d'extrême droite menacent la République, qu'en Italie et en Allemagne, des dictateurs vocifèrent, appelant à la guerre et à la mort? Avec la ferveur des nouveaux convertis et l'aveuglement face à la réalité de l'URSS aussi, Jean Renoir tourne « La vie est à nous », les bas-fonds, la Marseillaise. Engagement sincère ou opportunisme d'un cinéaste prêt à toutes les compromissions, certains de ses amis se le demanderont quand en 1940, il sera tenté par les sirènes de l'Italie fasciste. Par chance, pour lui et pour nous, le chaleureux Renoir, l'ami des hommes, choisira la voie du cinéma et du cœur, sans doute celle de son enfance, loin des idéologies mortifères. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Pascal Horry, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, bien connu des auditeurs de France Inter, professeur émérite à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous êtes un spécialiste de l'histoire culturelle de la France, c'est un vaste sujet. Votre livre « La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front populaire » paru déjà en 1994, est devenu un classique. Alors pourquoi avoir donné à ce livre un titre inspiré du film de Renoir ? C'est le croisement entre « La grande illusion » de Jean Renoir et « La belle équipe » de Julien Duvivier, ouais, qui a été considéré a posteriori comme un film très Front populaire, ce qui est un peu exagéré, mais sorti en 36, racontant l'histoire, d'ailleurs avortée, d'une coopérative. Avec Jean Gabin, avec cette fameuse chanson. Oui, et quantité de grands comédiens, et avec un grand succès populaire, avec d'ailleurs une fin heureuse qui a été imposée après une projection où on donnait le choix entre les spectateurs d'une salle de cinéma de la banlieue parisienne entre une fin heureuse et une fin moins heureuse. Ils ont choisi la fin heureuse parce qu'on était en plein Front populaire. Alors, donc c'était comprend. Le croisement de ces deux titres de films. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en décembre 1935. Jean Renoir, il a 41 ans. À ce moment-là, ce n'est plus un gamin. Hein. Il a tourné pas mal de films déjà, mais il n'est pas encore un réalisateur très connu. Effectivement, à son âge, il a déjà pas mal de films à son actif, mais ce sont des films qui ont eu des succès et des insuccès variés. Il se cherche visiblement. A posteriori, on considère Boudu, Sauver des eaux ou La chienne comme des vrais chefs-d'œuvre, mais à l'époque, c'est plutôt un film et un type de cinéma qui est considéré comme un peu amateur sur les bords. Hein. C'est le fils de son père. Dans les milieux du cinéma, je l'avais testé en rencontrant des anciens qui ont travaillé avec Renoir. Renoir était admiré, considéré comme un homme un peu trop opportuniste, en effet, et par ailleurs comme un amateur. Hein, c'est et un fils à papa, peut-être. Un fils à papa qui, quand il a des difficultés pour boucler le financement d'un film, vend des toiles des tableaux du papa. Puisqu'il fait du cinéma par amour. D'Auguste Renoir, il fait du cinéma par amour pour des femmes. Et les femmes, ça va compter. C'est pas mal comme objectif. Même pour le Front populaire, c'est un très bel objectif. Et puis, alors, Renoir, quand même, en 35, a sorti Tony, qui est un film dont le héros est un, on dirait aujourd'hui, un migrant, un immigré italien. Et aujourd'hui, on met ça en valeur. En fait, c'est un mélo. Hein. C'est un mélo, mais tourné à la façon de Pagnol, dans un décor naturel. C'est la plasticité de Renoir, ça. Qu'est-ce qui caractérise déjà le cinéma de Jean Renoir à cette époque-là? Effectivement, cette plasticité qui fait qu'il colle à l'ambiance générale. Parfois, il suit le fil de l'eau. Il est très préoccupé quand même de resituer ses mélodrames. Beaucoup de ses films sont quand même des mélodrames, à vrai dire, les bêtes humaines. Bon, mais dans un milieu social bien décrit, c'est pas du Zola, c'est vraiment le milieu ferroviaire de 1938, etc. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui improvise en partie sur le tournage et qui fait donner à ses comédiens, généralement, le meilleur d'eux-mêmes. Et quel est le contexte politique en France en 1935? Un contexte assez difficile, hein, je l'ai évoqué. 1935, c'est l'acte de naissance, on pourrait dire le baptême officiel du Rassemblement Populaire qu'on appelle maintenant Front Populaire. Mais en réalité, tout commence en 34 avec une sorte de trauma au sein des différentes gauches qui jusque-là se font la guerre, hein, très violemment, après le 6 février 34. Où, alors, on se fait souvent une erreur sur le 6 février, c'est pas une sorte de coup d'État fasciste, c'est simplement la preuve qu'un gouvernement légalement investi au Parlement va démissionner sous le fait d'une manifestation d'une brute. Ouais. Et ça, c'est très inquiétant pour les Républicains. Ça ne s'est jamais produit depuis le début de la Troisième République. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Staline, au mois de juin 1934, décide, devant l'enracinement du nazisme en Allemagne, qu'il faut faire passer maintenant en priorité l'union sur la polémique interne à la gauche. Et donc, faire l'union avec les socialistes. Voilà. Front uni antifasciste, c'est la formule de Moscou qui va donner Front populaire en France, en Espagne, au Chili, etc. Et incontestablement, le choix de la main tendue en direction des socialistes, même en direction des radicaux du centre-gauche, voire des catholiques, Maurice Thorez en 36, ça stupéfie tout le monde, ça va permettre, par exemple, dans les milieux du cinéma, l'arrivée de gens qui ne sont pas encartés, mais qui ont le cœur à gauche, ou qui, comme Renoir, suivent le mouvement, j'ajouterais, ou qui, comme Renoir, sont amoureux d'une femme qui, elle, a des sympathies communistes. Et est-ce que le cinéma est déjà, à cette époque-là, considéré comme un bon outil de propagande? Dans les régimes totalitaires, tout à fait. Lénine, Mussolini, Goebbels n'arrêtent pas de dire que le cinéma, c'est l'arme la plus importante. Hein. Et d'ailleurs, le grand festival de cinéma à cette époque-là, c'est la Mostra de Venise qui va se fasciser peu à peu, ce qui va donner le festival de Cannes, d'ailleurs, par réaction, en 1939. Donc, les régimes totalitaires, oui, mais la France n'est pas un pays totalitaire. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, les partis politiques s'interrogent, et il n'y a que le Parti communiste qui décide de franchir le pas et de commander à Jean Renoir la supervision d'un film. Pascal Horry, on poursuit cette discussion dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Jean Renoir, un cinéaste sous le Front populaire, un texte de Charles Giolle, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Laurence Courtois. C'est promis, Louis, je vous donne ma réponse demain. Mais je vous en prie, merci à vous pour cette proposition. Bon, allez, à demain, Louis. Oui, à demain. Sacré Aragon. Sacré communiste. Me commander un film de propagande? Ah, c'est du jamais vu, ça. Ah, ça y est, je suis le cinéaste de gauche, maintenant. Suffisait que je fasse un film sur des ouvriers. Ah, c'est sûr, on voit pas ça tous les jours au cinéma. Bon, mais de là à faire de la réclame pour le PC... Prévert, il fait ça au théâtre avec ses copains. Elles sont pas mal, leurs pièces. Allez, je vais leur dire oui. C'est pour la bonne cause. Pour le peuple. Contre Hitler, contre tous les fascistes. Ah, par contre, ils sont marrants. Me demander un film d'une heure pour dans un mois. Je veux bien bosser à l'œil, mais je suis pas magicien. Je vais demander à Becker et à Dreyfus de m'aider. Ils pourront enfin tourner depuis le temps que ça les démange. Et Marguerite fera le montage toute seule comme une grande. Ça lui fera plaisir de bosser pour son cher parti. Mais qu'est-ce qu'on va raconter dans ce film? Bon, l'usine, forcément. On fera un patron bien ignoble. Non. Faux cul, plutôt. Mielleux, ce sera plus drôle. Faudra aussi parler des paysans, tiens. Ça changera un peu des métallos. Allez, on va bien se marrer. Paris, décembre 1935. Dans son appartement de la rue de Rome, Jean Renoir travaille au scénario de La Grande Illusion quand il reçoit un coup de téléphone inattendu. Par la voix de l'écrivain Louis Aragon, le Parti communiste français lui commande un film pour préparer les élections législatives du printemps 36. Le réalisateur, qui vient de passer la quarantaine, a un train de vie bourgeois grâce à l'héritage de son père. Mais ce bon vivant, grand et rond, très porté sur l'amitié et les gueuletons entre copains, s'enthousiasme pour le Front populaire, son idéal de fraternité et de paix. Marguerite Houllet, la monteuse attitrée de ses films, qui partage sa vie depuis 5 ans, n'est pas étrangère à son intérêt nouveau pour la politique. Cette fille d'ouvrier, militante communiste, se réjouit que Renoir accepte ce projet. Le film est écrit et tourné en quelques semaines, au début de l'année 1936. Intitulé « La vie est à nous », il mêle des discours des dirigeants communistes avec des scènes de fiction, narrant successivement les difficultés d'un ouvrier, d'un paysan et d'un jeune chômeur. Jean Renoir a délégué une partie de la mise en scène à son habituel assistant Jacques Becker et au monteur Jean-Paul Dreyfus. Il se prend à rêver d'un cinéma nouveau, d'un art collectif, coopératif, qui parle au nom du peuple. Quelques semaines avant les élections d'avril mai 36, Marguerite vient d'achever le montage de ce film pas comme les autres. Oh, elle est vraiment épatante, cette scène. Elle a fait du bon boulot, Becker. Et toi aussi. Les plans serrés sur le paysan ruiné pendant que ses bêtes sont vendues aux enchères, tu les as mis pile au bon moment, c'est poignant. Et encore, j'ai dû sacrifier plein de plans magnifiques. Il a vraiment du talent, Jacques, hein. Ouais, faut dire qu'il m'a piqué 2 ou 3 trucs, l'animal. Oh. Non, je plaisante. Becker l'étoffe pour devenir un bon réalisateur. Bon, maintenant, tu peux me montrer le discours de Thorez? Tu l'as réduit à 2 minutes, comme je t'ai demandé. Ouais. Attends. Voilà la bobine. Bon, j'y fais comme tu m'as dit, dynamique. Nous, communistes de France, nous voulons suivre l'exemple de nos frères de l'Union soviétique. Nous sommes des internationalistes, des militants fidèles de l'internationale communiste. Oh, c'est parfait, ces changements de plan rapides. Ça donne encore plus de force à son discours. Ah, il est vraiment bon. Et il nous a fait ça en une seule prise. Oh, c'est un acteur né, ce type. Oh, c'est pas un jeune premier, quand même. Il a toujours été trapu, mais depuis un moment, il se laisse vraiment aller, le père Thorez. On s'en fout. Il bouffe l'écran, c'est ça qui compte. Oh, son regard. Et ce poing serré. Et t'as vu comme il y croit, ce qu'il raconte? Jean Renoir chante la gloire du secrétaire général du PC. Si on m'avait dit ça quand je t'ai connu. D'accord, j'ai jamais été un militant, mais j'ai toujours été du côté du peuple. J'ai grandi à Montmartre, à pas dans le 16e. Mon père, il a jamais pu plaire à les bourgeois, même quand ils se sont mis à lui acheter ses tableaux très chers. Et moi non plus, du coup, je les aime pas. Qu'est-ce qu'on pouvait se foutre de leur gueule avec papa? Non, moi, j'ai toujours aimé les ouvriers. C'est avec eux que je me sens le mieux à chanter et à boire. Peut-être, mais tu restes un bourgeois. Mais un bourgeois de gauche, hein. Un gentil bourgeois. C'est pour ça que je t'aime quand même. Oh, pff, t'es bête. De toute façon, le Front populaire, c'est le rassemblement par-delà les classes, des communistes jusqu'aux radicaux, tous réunis contre les fascistes et le grand capital. C'est bien ce qu'on montre dans le film. Et t'en es contente de ce film, non? Très contente. Si après avoir vu ça, les Français votent pas pour la gauche, j'arrête le cinéma. Le 3 mai 1936, le Front populaire sort vainqueur du second tour des élections législatives. Pour la première fois en France, un socialiste est chargé de diriger le gouvernement en la personne de Léon Blum. À l'annonce de ses résultats, un immense espoir s'empare du peuple de gauche. En attendant l'investiture du gouvernement Blum, prévue pour début juin, des grèves spontanées éclatent dans des centaines d'usines où les ouvriers réclament augmentation de salaire et baisse du temps de travail. Le 24 mai se déroule à Paris une manifestation d'une ampleur inédite. 600 000 personnes prennent part à l'hommage aux morts de la Commune de Paris, organisé chaque année à la même époque. Au sein de la foule immense qui traverse le cimetière du Père-Lachaise en direction du mur des fédérés, où ont été fusillés les derniers communards, Jean Renoir défile aux côtés de Marguerite. Il faudrait vraiment que je fasse un peu d'exercice. Bon, j'en peux plus. Piétiner pendant des heures entre des tombes, dans cette foule, par cette chaleur. Et ça grimpe sec en plus. Mais Marguerite est heureuse. Bon, je l'ai jamais vue avec un tel sourire. Et moi aussi je souris, tiens. Je m'en étais même pas rendu compte. Faut dire, quel spectacle quand même. Ces inconnus qui s'embrassent comme des frères. Tous ces cœurs qui vibrent à l'unisson. J'ai jamais vu ça. Faut pas désespérer des hommes. Peut-être après tout qu'ils sont capables de s'aimer les uns les autres. Il fallait juste que le peuple découvre qu'il est uni, qu'il est fort, qu'il a une voix. Oh, cette ivresse de se sentir emporté dans une grande vague, dans une aventure qui vous dépasse. Pourquoi on ne ressent pas ça plus souvent? C'est ça le sel de la vie? La fraternité, l'union des âmes. Eh, mais ce serait pas Bloom là-bas? Marguerite, regarde là-haut, c'est Bloom. Oh, regarde, c'est Bloom. Un président du conseil qui se tient au milieu de la foule, souriant, qui se laisse embrasser par des ouvriers. Vive le Front populaire! Oh, ma parole, le monde est en train de basculer. Début juin, on compte en France plus d'1,5 million de grévistes. À peine investi, le gouvernement Blum signe avec un patronat désemparé les accords Matignon. Instauration de la semaine de 40 heures au lieu de 48, octroi de 2 semaines de congés payés, augmentation de salaire de 7 à 15% suivant les secteurs. Ces avancées spectaculaires ne suffisent pourtant pas à endiguer le mouvement social. Les grèves continuent dans une ambiance de fête. Ouvriers et employés rêvent d'un monde nouveau. Dans la foulée de l'expérience de La vie est à nous, Jean Renoir, pour sa part, entend révolutionner le cinéma. Avec le soutien de réalisateurs comme Louise Buñuel, d'acteurs comme Louis Jouvet ou Charles Dullin, ainsi que de techniciens et de critiques de cinéma, il crée Ciné Liberté. Le but de cette association, qui se définit comme une coopérative ouvrière de production et diffusion cinématographique, est de créer des films faits par le peuple pour le peuple. Un soir de juin, Renoir invite chez lui le critique de cinéma et scénariste Henri Janson, son principal complice à la tête de Ciné Liberté, pour préparer le premier numéro de leur revue. Bon, écoute ça Henri, c'est la conclusion de mon édito. Les dirigeants actuels du cinéma et les distributeurs sont des crapules qui spéculent sur le dos des artistes, des ouvriers et des spectateurs. Il faut à tout prix débarrasser notre art de tous ces intermédiaires qui, placés entre le public et le producteur, s'arrangent pour tout mettre dans leur poche au détriment de tous. Faute de quoi perdurera la saloperie de notre métier, pourtant le plus beau du monde, que les imbéciles et les cupides ont avili et piétiné. Ah ouais, t'as sorti la grosse artillerie, dis donc. Bah c'est le moment ou jamais d'attaquer ces salauds, non? Les capitalistes n'ont pas vraiment bonne presse ces jours-ci. C'est sûr. Bon, moi par contre, j'ai pas encore eu le temps d'écrire mon article contre la censure. Je pensais m'adresser directement à Bloom, pour lui demander de lever l'interdiction de zéro de conduite. Pauvre Jean Vigo. Il a laissé un chef-d'œuvre et personne peut le voir. C'est quand même dingue. Une histoire de collégiens qui chahutent leurs professeurs, pourquoi ça leur fait si peur aux politiques? Ils disent que c'est un film anarchiste, que ça pourrait donner de mauvaises idées aux jeunes. Il y a même des socialistes qui le pensent. Aberrant. Entre ça et les distributeurs qui nous empêchent de parler du chômage parce que soi-disant les gens veulent pas voir ça, mais le cinéma, ça doit montrer la vérité, raconter la vie telle qu'elle est, la vie de la majorité des Français. Et pas ces histoires de bourgeois avec leurs petits problèmes de cœur dont on nous assomme. Marguerite, c'est toi? Ouais. Je commençais à m'inquiéter, tu rentres tard. Ils t'ont fait monter un truc en urgence? Non, tu devineras jamais. Ah, salut Henri. Salut. C'est la grève au studio. La grève? Oui, c'est parti des techniciens. Ils ont interrompu le tournage du film de Duvivier ce matin. La direction s'est aussitôt carapatée. Et depuis, on occupe les studios. Je suis rentrée, mais il y a plein de copains qui vont y dormir, pour éviter que les flics rappliquent pendant la nuit. Incroyable! Si même les studios de Joinville s'y mettent, on va les faire plier, Pathé, Gaumont et consorts. Mais vous avez fait quoi, du coup, depuis ce matin? La fête. À midi, on a organisé un banquet dans la cour. Les commerçants du coin nous ont offert de quoi faire un petit festin. Et puis cet après-midi, on a dansé. On a fait venir des accordéonistes. Il y avait même des acteurs. Gabi Morlaix valsait avec des éclairagistes. Ça fait 15 ans que j'y bosse à Joinville. J'aurais jamais cru voir ça. C'est épatant. Bon, en attendant, il est déjà 9h et j'ai faim. Et soif. Je vous invite au petit bistrot de la rue Le Pic. Allez, on va fêter ça dignement. Tout au long de l'année 1936, Jean Renoir milite sans relâche pour l'avènement d'un cinéma populaire. Il écrit des dizaines d'articles dans la presse communiste, donne des conférences sur le cinéma avec Ciné-Liberté, organise des projections de films soviétiques. Mais il ne sacrifie pas pour autant sa carrière de cinéaste. Depuis de longs mois, il cherche des financements pour réaliser La Grande Illusion. Avec ce film, qui se déroule durant la Première Guerre mondiale, Renoir entend délivrer un message pacifiste alors que la guerre menace à nouveau. Mais le projet n'intéresse pas les producteurs. Le cinéaste, qui en 10 ans de carrière n'a pas encore connu de grand succès public, est donc contraint de travailler sur des films de commande. À l'été 36, il est choisi pour réaliser Les Bas-fonds, l'adaptation d'une pièce de Maxime Gorki, l'écrivain officiel du régime soviétique. Le Parti communiste français s'intéresse de près au projet qu'il finance en partie. Le casting est exceptionnel. Les deux principaux rôles masculins sont tenus par Jean Gabin, la nouvelle vedette du cinéma français, et Louis Jouvet, grande figure du théâtre qui a encore peu joué pour le cinéma. Le tournage débute en septembre 1936 par une scène qui réunit les deux acteurs allongés dans l'herbe au bord de la Marne. Bon, désolé messieurs, on doit attendre le retour du soleil pour reprendre. Ce sera l'affaire de quelques minutes. Mais d'ici là, on est pas mal, là, au bord de l'eau. C'est bien simple, j'ai pas l'impression d'être au boulot. Je suis tranquille, à la campagne, à prendre des cours auprès d'une légende du théâtre. Et moi alors? Je vis le rêve de toutes les midinettes, allongé tout contre Gabin, à admirer sa gueule d'amour. Mais d'ailleurs, Renoir, tu es certain de vouloir qu'on se colle l'un à l'autre, comme ça? Ça ne risque pas de paraître un peu étrange? Au contraire. Votre complicité, c'est le moteur du film. Le petit voleur qui devient ami avec l'aristocrate ruiné, c'est une rencontre qui défie l'ordre social. Et là, c'est la scène clé. Alors toi, Jean, tu racontes au baron tes rêves. Ton espoir de quitter les bas-fonds. De t'arracher à un destin funeste. Transporté que tu es par ton amour pour Natacha. Natacha, quand j'ai signé pour le film, elle s'appelait Marie dans le scénario. Pourquoi est-ce que tous les noms sont devenus en russe, qu'on parle plus en francs mais en roubles et en copecs? Ça fait bizarre quand même. Bon, comme vous savez, entre-temps, le Parti communiste s'est impliqué dans la production et ça leur a pas trop plu que j'ai transposé la pièce en France. Ils m'ont dit qu'il fallait conserver le contexte russe pour respecter le texte de Gorki. Alors j'ai dû remettre les noms des personnages de la pièce. J'ai pas une gueule de russe, moi. J'y connais rien à la Russie et j'ai jamais lu Gorki. Je serais pas crédible. Et depuis quand t'es aux ordres des communistes, toi, le gros? Je suis pas à leurs ordres. Mais ils ont mis des sous, qu'est-ce que tu veux? Et puis, les arguments d'Aragon avec qui j'en ai discuté m'ont paru valables artistiquement. Vous verrez, ça rendra bien. Monsieur Gabin n'aime pas trop la Russie soviétique, peut-être? Attention, l'égalité entre les hommes, je suis pour. Ça m'est arrivé de dormir dans la rue, et je l'oublierai jamais. Mais abolir la propriété? Moi, vous voyez, depuis que je suis gosse, je rêve de m'acheter une belle ferme, avec du terrain, des bêtes. Alors, si le Front Populaire décidait de tout collectiviser, ça m'embêterait quand même un peu. Rassure-toi, il y a peu de chances que ça arrive chez nous. Ce sont les socialistes et les radicaux qui décident, pas les communistes. Et quand bien même, a-t-on vraiment besoin de posséder? Presque tout ce que je gagne, je l'investis dans mon théâtre. Ma voiture, mes quelques beaux costumes, ils ne me manqueraient pas du tout. Bah, je t'admire, Jouvet. Je dois pas être aussi philosophe que toi. Ah, bon, voilà le soleil, on s'y remet. Bon, Jean, tu oublies pas, hein. Ton texte, tu le murmures, hein. Tout en douceur. C'est comme ça que t'es le plus expressif, le plus touchant. T'inquiète pas, le gros, je vais te faire ça. Mais juste pour toi, pas pour le PC, hein. Les Bas-fonds sort au cinéma en décembre 1936. Si la presse de droite tire à boulets rouges sur ce film financé par le PC, les critiques de gauche sont un peu déconcertées. Contrairement à ce qu'espérait Renoir, La greffe entre le texte de Gorki, situé dans la Russie tsariste, et l'atmosphère très front populaire des bords de Marne, la rencontre entre les samovars et les accordéons, a du mal à prendre à l'écran. Le public ne se presse pas. L'humanité, s'il vous plaît. Seule l'humanité, sans surprise, chante les louanges du film. Gardez la monnaie, merci. Merci. Bonne journée. Bon, alors il est où cet article ? Aragon m'a bien dit qu'il devait paraître aujourd'hui. Ah, voilà. Il faut voir les bas-fonds. Très bon titre. Bon, voyons. Jean Renoir marche depuis longtemps dans les pas de Zola, car le sujet social l'intéresse au plus haut point. Il a son sujet et il le traite comme il le ressent. Il va au fond, il croit à sa tâche comme à un devoir. Son rôle n'est pas d'amuser, mais d'enseigner aux foules les joies et les peines de ceux qui souffrent et le moyen d'y remédier. Oh, très bien. Même si cette œuvre est plus naturaliste que prolétarienne, il faut aller voir les bas-fonds. Plus naturaliste que prolétarienne ? Oula, c'est pas bon ça. L'air de rien, c'est une grosse critique. Ça veut dire que je suis passé dans la ligne du parti. Mais enfin, ils sont marrants. Ils s'attendaient à quoi ? Un film, c'est pas non plus un discours de meeting ou un article de journal. Je vais pas mettre que des phrases de Lénine ou de Torres dans la bouche des personnages. Je suis un artiste, un porte-parole du PC. Ah, ils commencent à me courir, les communistes. Quelques mois après la sortie des bas-fonds, la dynamique du Front populaire commence à s'enrayer. En février 37, Léon Blum, confronté à l'hostilité des milieux financiers, est contraint d'annoncer une pause dans les réformes sociales. Au sein de la coalition au pouvoir, de fortes tensions apparaissent entre le PC et ses alliés socialistes et radicaux. Alors qu'en Espagne, la guerre civile fait rage, les communistes reprochent au gouvernement Blum de ne pas intervenir militairement aux côtés des républicains. L'association Ciné-Liberté connaît elle aussi des difficultés. Faute de lecteurs, sa revue cesse de paraître au bout de 5 numéros. Les conférences et les séances de ciné-club se font plus rares. Renoir et Henri Janson décident de consacrer tous leurs efforts à produire un film en accord avec leurs idées, avec le soutien du PC et de la CGT. Ils présentent leur projet au cours d'une réunion publique, tenue le 12 mars 1937, dans une salle du quartier de Montparnasse. Des centaines de personnes sont venues écouter Jean Zay, le ministre radical de l'Éducation et des Beaux-Arts, qui parraine le projet, et bien sûr Jean Renoir, qui prend la parole après le représentant du gouvernement. Camarades, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter le premier film du peuple français. Un film écrit, joué et tourné à l'intention du peuple par une coopérative d'artistes et d'ouvriers. De quoi parlera-t-il ? Le meilleur sujet, évidemment, serait la vie actuelle. La victoire de mai 36, les grèves de juin. Ce serait magnifique. Mais la censure interdit de parler de politique au cinéma. Alors, avec mon camarade Henri Janson, nous avons décidé de ressusciter l'époque qui offre le plus de similitudes avec la nôtre, la Révolution française. Ce film s'appellera « La Marseillaise ». Nous vivrons les plus grands moments de cette époque glorieuse, rencontrerons les plus grandes figures de la Révolution. Mais nous n'oublierons pas de montrer l'homme de la rue, car notre but est de faire revivre ce moment merveilleux où le peuple français s'est découvert uni et fraternel. Ce film, vous l'avez compris, ce sera une métaphore de ce que nous vivons depuis quelques mois. Ce sera le film des électeurs du Front populaire. Oui. À l'époque où il prononce ce discours enflammé, Renoir est pourtant moins absorbé par la Marseillaise, dont le scénario est loin d'être achevé, que par La Grande Illusion, dont le tournage vient de débuter. En obtenant l'accord de Jean Gabin pour interpréter l'un des rôles principaux, le cinéaste a enfin trouvé des financements pour produire le film dont il rêve depuis des années. La Grande Illusion sort au cinéma en juin 1937. C'est un triomphe, tant public que critique. Jean Renoir, qui accomplit enfin son rêve de devenir un artiste aussi célébré que son père, est désormais en mesure de réaliser les films qu'il souhaite. Mais avant de lancer un nouveau projet personnel, il doit mener à bien la réalisation de la Marseillaise. Durant l'été 1937, il peine à finaliser le scénario avec Henri Janson. Un matin de juillet, ce dernier, très remonté, entre dans le bureau de Renoir. Salut Jean, je peux te parler ? Ah, bien sûr. T'as l'air de mauvais poil, toi. Je vais fermer la porte. Je crois que ça vaut mieux. D'accord. Je t'écoute. Hier soir, je suis resté ici pour travailler. Je cherchais quelque chose dans un dossier. Et regarde ce que j'ai trouvé. C'est le tout dernier devis du film. Mmh. Tiens, lis donc cette ligne. Ah, écoute, je voulais t'en parler. Mise en scène. Renoir, 400 000 francs. 400 000 francs. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Je te rappelle qu'on est censé travailler en coopérative, nous deux, les acteurs, les techniciens de la CGT, et qu'on devait tous toucher une part égale sur les bénéfices, qu'on soit Monsieur Renoir ou un simple preneur de son. Oui, c'est-à-dire que... C'est-à-dire que tu t'es négocié un joli petit cachet dans le dos de tout le monde. Oh, t'énerve pas, Henri. J'ai juste obtenu une avance sur recette du distributeur. Toi aussi, je t'ai eu un bon salaire pour le scénario. Mais j'en veux pas de ce fric. La coopérative, j'y croyais, moi. Mon pauvre Jean... En fait, les communistes, la CGT, même Marguerite, tu t'es bien foutu de leur gueule. Tu as jamais cru à tout ça? Si tu fais des films de gauche depuis un moment, c'est juste parce que les idées de gauche sont à la mode, que ça te fait du public, hein? T'as jamais pensé qu'à ta carrière? Je me trompe? Ouais, laisse tomber, je me tire. Inutile de préciser que ta Marseillaise, ce sera sans moi. Jean Renoir et Henri Janson ne se reverront plus jamais. Renoir se retrouve donc seul aux commandes du film qui est tourné au cours de l'automne 1937. Quelques mois plus tôt, Léon Blum a dû démissionner. Sa politique de relance économique ayant échoué, de nombreux parlementaires radicaux se sont désolidarisés de la SFIO et du PC, se rapprochant de la droite. Le Front populaire est en sursis. Quand la Marseillaise sort fin décembre, l'heure n'est plus à l'espérance, au rêve d'union et de fraternité. À gauche, le film déconcerte. Son ton est beaucoup moins radical que Renoir ne l'avait annoncé. Quelques semaines après sa sortie, Jean Renoir est convoqué au siège du PC, rue Lepelletier, par Jacques Duclos, l'un des principaux dirigeants du parti, en charge de la propagande. En plus, il me fait attendre. Déjà 5 minutes. Quel culot. S'il croit que j'ai que ça à faire, et tout ça pour me faire engueuler, probablement. Mais j'ai aucun compte à leur rendre, moi. Bonjour, Renoir. Merci d'être venu. C'est tout naturel. Entrez, entrez. Asseyez-vous. Bon. Si j'ai demandé à vous voir, c'est bien sûr pour vous parler de la Marseillaise. Vous savez si le film marche ? Peut-être pas autant que nous l'espérions pour l'instant, mais il n'est pas encore sorti en province. Je suis sûr qu'on va se rattraper. Et vous imaginez le triomphe que ça va faire à Marseille ? De toute façon, le vrai problème, c'est la tonalité de votre film. C'est pas du tout ce que vous nous aviez promis. Je comprends pas. L'humanité en a pourtant dit beaucoup de bien. On n'a tout de même pas descendre un film qu'on a financé. Parce que c'est le PC et la CGT qui ont réglé la note, je vous rappelle. Tout ça pour se retrouver avec un film dont le message n'est pas franchement révolutionnaire. Pas révolutionnaire ? 30 minutes sur la prise des Tuileries, ça vous suffit pas ? Mais quand Louis XVI s'enfuit des Tuileries pour se réfugier à l'Assemblée, on sent que vous avez de la peine pour lui. Votre Louis XVI, il est beaucoup trop sympathique. Vous en faites un brave homme, seulement dépassé par les événements. Et vos aristocrates, ils ont de l'esprit, ils sont chevaleresques. Ils auraient dû être détestables. Ça en aurait fait des personnages beaucoup moins intéressants. Et puis vos révolutionnaires, c'est pas mieux. Ces Marseillais, avec leur accent chantant qui se donnent du « mon collègue », on se croirait dans un film de Pagnol. La politique, c'est du sérieux, c'est pas de la galéjade. Une révolution, c'est sanglant. J'ai voulu rendre la révolution sympathique, montrer qu'elle a été faite par des braves gens, des gens simples, vivants. Vous avez fait un film sentimental. Mais nous, nous voulions un film politique, comme la vie est à nous. Le PC se sert du cinéma pour s'adresser aux masses. C'est un outil incroyable pour faire passer nos idées, pour inciter le peuple à se révolter. Encore faut-il que le réalisateur respecte la ligne du parti. Je crains malheureusement de ne pas partager votre conception du cinéma. Cette entrevue met fin à la collaboration entre Jean Renoir et le Parti communiste. Quelques semaines plus tard, en avril 1938, le Front populaire éclate définitivement lorsque le radical Édouard Daladier obtient le soutien d'une partie de la droite pour former un nouveau gouvernement. La priorité n'est plus au progrès social, mais au réarmement face à la menace de l'Allemagne hitlérienne. Atterré par la perspective d'une nouvelle guerre, Jean Renoir se détourne de la politique et se concentre sur sa carrière. À la fin de l'année 1938, son adaptation de La Bête humaine de Zola, à nouveau avec Gabin, remporte un beau succès. Renoir enchaîne avec le tournage de La Règle du jeu, un marivaudage tourbillonnant qui mêle les destins de plusieurs aristocrates et de leurs domestiques. Ce film complexe, à la fois enlevé et sombre, reflète l'état d'esprit du cinéaste au début de l'année 1939. Plus épanoui que jamais sur un plateau de cinéma, il sent bien pourtant que le cataclysme approche. Sa vie privée est également chaotique. Fréquentant depuis peu une jeune femme d'origine brésilienne, Dido Frère, il s'apprête à quitter Marguerite. En attendant, sur le tournage de La Règle du jeu, au printemps 1939, Marguerite officie comme script. Renoir lui a donné une assistante, Dido. Coupé. Bon, c'était parfait, hein. Oh, Dalio, tu étais extraordinaire. Merci. Oh, ton petit sourire, là. Mmh. Oh, et vous aussi, Nora, vous étiez divine. Bon, au cas où, on la refera quand même après déjeuner. Hein. Ah, d'accord. Bon, allez, c'est la pause. Bon appétit à tous. Marguerite ? Marguerite ? Marguerite ? Ah. Oui, Jean. Est-ce que, pendant le déjeuner, tu pourrais faire répéter son texte à Nora ? Son accent autrichien, c'est vraiment pas possible. Je comprenais rien à ce qu'elle disait. Il faudrait lui faire apprendre ses répliques en phonétique. J'ai déjà beaucoup de choses à faire. Je pourrais pas demander à Dido. Dido débute dans le métier. Elle sait pas forcément s'y prendre avec les acteurs. Je voudrais pas qu'elle froisse Nora. D'ailleurs, je te trouve pas très patiente avec Dido. Elle a besoin d'apprendre. Tu sais, tu pourrais l'aider un peu plus. Il y a vraiment que toi pour demander à ta femme d'aider sa rivale. Hein. Eh ben moi j'y arrive pas. Désolée. Ta rivale ? Te fatigue pas, Jean. J'ai bien compris ton manège. Tout le monde l'a compris depuis un bon moment. Tu dis rien. Quand même, t'as des goûts très variés. Tu passes d'une fille d'ouvrier à une fille de diplomate. Une bourgeoise. Et croyante avec ça. Bon, écoute, on peut pas parler de ça maintenant sur le plateau. Ah, t'inquiète pas, je vais pas te faire une scène. Mais quand même. Au fond, je me demande si tu m'as jamais aimé. Si j'étais pas seulement une caution. Une façon de prouver à tout le monde que t'étais de gauche, puisque tu vivais avec une fille du peuple. Dis pas de bêtises. Et maintenant que tu fais plus semblant d'être de gauche, adieu Marguerite. Ça me fait tout drôle. J'ai l'impression d'avoir vécu avec un comédien ces 8 dernières années. Bravo en tout cas, t'étais très convaincant. À la fin du tournage, quelques semaines plus tard, Renoir quitte Marguerite et s'installe avec Dido. La Règle du jeu sort au cinéma le 8 juillet 1939. Les critiques sont mitigées, l'échec commercial est complet. Le regard grinçant que Renoir porte sur une société française à bout de souffle, moquant autant les maîtres que leurs serviteurs, dérange. Ce ne sera que bien des années plus tard que La Règle du jeu sera considérée comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma français. En cet été 1939, l'échec de cette œuvre très personnelle plonge Renoir dans l'amertume. Désireux de tourner au plus vite un nouveau film, il prend une décision qui va stupéfier tous ses proches et faire basculer sa vie et sa carrière. Je vais accepter sa proposition. Ça me fera du bien de quitter la France. La droite m'a toujours détesté, et maintenant la gauche peut plus me sentir non plus. Plus personne me donnera d'argent pour tourner. J'ai plus ma place ici. Et puis de toute façon, ce pays est foutu. Tout est figé, poussiéreux. Les idées, la société... Le Front populaire, c'était la dernière chance de faire bouger les choses. Mais ça a foiré. Et maintenant, on va se reprendre une autre guerre sur la gueule. Oh, je veux pas voir ça. Il n'y a plus rien qui me retient. Dido aussi, elle veut partir d'ici. Ça va nous faire du bien, l'Italie. Ah, évidemment, ça va faire jaser que je fasse un film produit par le fils de Mussolini. Bah tant pis, je les emmerde. Moi, je veux tourner. Il n'y a plus que ça qui m'importe dans ce merdier. Tant pis pour mes copains de gauche. Le cinéma, il n'y a que ça qui compte. Jean Renoir, un cinéaste sous le Front populaire de Charles Giolle, avec Jean Renoir, Stéphane Varupen de la Comédie française, Marguerite Houlet, Clémence Laboureau, Henri Janson, Léo Reynaud, Jean Gabin, Antonin Chalon, Louis Jouvet, Jean-Christophe Fraîche, Jacques Duclos, Jean-Baptiste Artigas et les voix de Valentin Capron, Agnès Mire et Olivia Forest. Bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Delphine Baudet et Lidwine Caron, assistante à la réalisation Claire Chénaud, réalisation Laurence Courtois. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. On continue de parler du cinéaste Jean Renoir dans quelques minutes avec mon invité Pascal Horry. Décroche-toi, sans tomber, les astres parlent de désastre, l'instant irréversible. Je ne suis qu'un passager, mal à l'aise ici. Pardonne-moi d'être tête en l'air, je t'agace à me laisser aller, mon utilité inutile. Je ne me souviens plus d'hier. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis dans la lune. Je suis bien. C'était Instant réversible de Malik Djoudi sur France Inter. Autant d'emporte l'histoire est réalisé par Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Pauline Laverdure. Pascal Horry, nous avons donc quitté Jean Renoir à l'été 39, à l'heure où la guerre semble inévitable. Il s'apprête à rejoindre l'Italie fasciste, où l'attend un projet de film produit par qui ? Le fils, le propre fils de Mussolini. Comment cela est-il possible ? Jean Renoir, le compagnon de route du Parti communiste, celui qui avait filmé pour le Front populaire ? Alors, ceux qui croient à la petite histoire diront qu'il n'a plus la même compagne. Mais il y a une autre raison, c'est que la France elle-même est en deuil du Front populaire. Le Front populaire est mort, a éclaté en deux ou trois temps en 1938. Les puissances fascistes, qui se sont rapprochées parce qu'elles étaient distendues hein, en 35-36, font bloc. Hitler va de conquête en conquête, directe ou indirecte. Et d'ailleurs, on parle de pacifisme. Après tout, les pacifistes en 38 sont dramatiquement partagés. La plupart sont pour le compromis avec Hitler. Oui, pour Munich. En 1939, la France, fondamentalement, n'est pas enthousiaste à l'idée de faire la guerre. Donc c'est un peu dans cette ambiance que sort la règle du jeu et que Renoir part vers... Alors, l'Italie fasciste, c'est-à-dire qu'il va tourner la Tosca, avec entre autres Michel Simon, on peut dire « so what ?» Oui, sauf qu'effectivement, pour quelqu'un qui est un compagnon de route du Parti communiste, c'est-à-dire Aragon, en juillet 39, dit « là, je comprends pas ». Enfin, Aragon qui sera tout à fait d'accord avec le pacte germano-soviétique début septembre 39. Absolument. Bon, mais clairement, Renoir cesse d'être le compagnon de route fidèle, qu'il était depuis très peu de temps, pas très fidèle et pas très compagnon de route de toute façon. Dans son excellente biographie de Renoir, Pascal Mérigeau affirme que la seule cause qui lui importait à Renoir, c'était la sienne propre. Et il rapporte peut-être pas le seul parmi les artistes, en général, quelle que soit l'époque. Oui. Vous savez, les artistes qui se sont clairement engagés, d'ailleurs certains clairement engagés, ce qui était assez courageux parfois, pour la collaboration, clairement engagés pour la résistance, ils étaient peut-être moins nombreux en 40 pour la résistance, mais bref, ils sont très peu nombreux chez les artistes aussi. Vous voulez dire que Jean Renoir ressemble beaucoup aux Français d'époque. Oui, il en rajoute une couche, si je peux m'exprimer de façon un peu vulgaire. Dans la mesure, en 1940, on sait grâce, entre autres, à Pascal Mérigeau, en 1940, il envoie en même temps un courrier à Vichy, et même un peu plus que ça. Oui, il faut dire que là, il est revenu d'Italie. Il rentre au printemps et au mois de juin. L'Italie, c'est le fameux coup de poignard dans le dos des Italiens, attaque pour une quinzaine de jours seulement, d'ailleurs, la pauvre France, d'ailleurs qui résiste assez bien aux Italiens, sauf que tout le reste s'effondre. Et la Tosca sera terminée par l'assistant de Renoir, Karl Korr. Donc Jean Renoir, lui, revient en France en juin 40, et il va arriver au moment de la débâcle, l'exode et la mise en place du régime de Vichy. Mais ce qui est extraordinaire, et il y en a très peu qui sont allés jusqu'à ce point-là, c'est qu'au même moment, il commence à prendre contact avec Hollywood. Fort heureusement pour lui, c'est Hollywood qui dégainera le premier et qui dira « mais oui, venez Jean, je simplifie ». Mais pendant ce temps-là, il offre ses services à Vichy, entre autres au jeune Jean-Louis Tixier-Vignancourt, qui deviendra un leader de l'extrême droite jusqu'à être candidat aux élections présidentielles en 65 contre le général de Gaulle, mais qui à l'époque est déjà un vichiste bien installé. Oui, il est chargé du cinéma et de la radio au régime de Vichy. Et il va même jusqu'à proposer ses services à Alfred Greven, c'est-à-dire le patron de la société de production qui est créée à ce moment-là, la Continental, dont on sait d'ailleurs qu'elle a... Société allemande. Oui, il sait très bien ce qu'il fait, Renoir. Et il faut savoir que Jean-Paul Dreyfus, dont on parle dans la scénarisation, qui deviendra Jean-Paul Le Chanois au moment de l'occupation, qui conservera ce pseudonyme après-guerre et qui fera une assez belle carrière, Jean-Paul Dreyfus Le Chanois, qui est clairement communiste, clairement juif, va travailler pour la Continental, la fameuse Continental d'Alfred Greven. Donc c'est bien l'ambiguïté de cette époque-là. Hein. Mais en tous les cas, en ce qui concerne Renoir, dans sa correspondance par exemple avec Tixier Vignancourt, il va jusqu'à se laisser aller à des considérations xénophobes et peut-être antisémites. Il parle de la racaille, des indésirables, des israélites qui ont pris le pouvoir chez les producteurs. Voilà. 1940, c'est le Renoir de 1940. Et pourtant, c'est Jean Renoir qui, dans La Grande Illusion, avait fait jouer Marcel Dalliot, le rôle du soldat Rosenthal. Il n'y avait pas de dimension antisémite, là. Mais c'est ça, l'ambiguïté des êtres humains, si je peux me permettre de faire une philosophie un peu rapide. Vous avez les deux plus belles séquences philosémites du cinéma français de cette époque, qui sont dues à Renoir, dans La Grande Illusion, effectivement, la querelle entre Gabin et Dalliot vers la fin. Et d'autre part, la fameuse scène dans La Règle du jeu, dans les cuisines du château, à propos d'une recette de salade de pommes de terre. C'est absolument extraordinaire. Et effectivement, c'est le même qui, un an plus tard, se laisse aller à des considérations antisémites. Alors, pour revenir à la période où Jean Renoir réalise ses films de propagande pour le Front Populaire, pour le Parti Communiste, est-ce que ces films se regardent toujours? La vie est à nous, Les Bas-fonds, La Marseillaise, Pascal Horry, c'est des films qui ne sont pas que des films de propagande? Il faut distinguer le film qui résiste le mieux, c'est La Marseillaise, mais ce n'est pas justement un film complètement communiste. Il est très communiste au départ, bien documenté grâce à des historiens communistes qui s'y connaissent sur la Révolution française. Ouais. Mais il s'en sort à nos yeux aujourd'hui parce que c'est un film de Renoir avec une forte empathie. C'est vraiment la formule qu'on retrouve dans La Règle du jeu. Il y a quelque chose d'effrayant sur cette terre, c'est que tout le monde a ses raisons. Je vous propose justement d'écouter Jean Renoir parler lui-même, justement, c'est en 1961, de son film La Marseillaise. Avec La Marseillaise, j'ai essayé de raconter un des plus grands moments de l'histoire de France de la même manière que j'aurais raconté une aventure se passant chez mes voisins dans la rue à côté. J'ai voulu traiter ce grand moment dans un esprit d'intimité. J'ai essayé d'imaginer que j'assistais à des événements vrais, à des événements contemporains, et que ma caméra était cachée dans un coin et surprenait les petits côtés de ces grands moments. Mes personnages dans La Marseillaise sont de grands personnages. Les révolutionnaires sont de grands personnages. Le roi était un grand personnage. D'ailleurs, avec mon frère qui joue ce rôle, nous avons fait tout notre possible pour garder à Louis XVI la noblesse que, nous en étions persuadés, ce roi possédait. La Marseillaise aussi correspond à une chose extrêmement importante. Elle correspond au moment dans lequel nous l'avons tournée. Ce moment était un moment d'enthousiasme. C'était le moment du Front Populaire. Sorte de feu d'artifice avant la catastrophe. Pendant ce grand moment, nous avons pu croire, en France, que les querelles étaient terminées. Nous avons pu croire que nous arriverions à une espèce d'union, une union de tous les Français appartenant aux classes les plus différentes, aux métiers les plus différents. Nous avons pu croire que nous arriverions à la fin de cette espèce de querelle éternelle qui oppose les Français depuis si longtemps, la querelle des guerres de religion. Bon, alors je ne sais pas ce qu'il veut dire par les guerres de religion, communisme... On comprend bien qu'il a interprété le Front Populaire comme le Parti communiste officiellement l'interprétait, c'est-à-dire la main tendue. Mais ça ne concernait quand même que la gauche, parce que Dieu sait si la France était clivée, contrairement à ce qu'il vient de dire Jean Renoir en 36. Dans La Marseillaise, il n'y a qu'un seul personnage négatif. Louis XVI est une sorte oui, de... Il en a fait un personnage sympathique, oui, joué, en contrairement effet, comme à ce le que dit, voulait Jacques Duclos. Par son frère. C'est comme dans La Grande Illusion, avec les deux grands aristocrates joués par Pierre Freinet et par Eric von Stroheim. Ce sont des gens qui appartiennent au passé. Donc on ne va pas leur reprocher finalement d'appartenir au passé. Ils sont dépassés. Donc ce n'est pas un regard de quelqu'un auquel on met la tête au-dessus d'une pique, si je peux me permettre. Bon, donc, et il y a une exception, c'est évidemment Marie-Antoinette. Alors qu'aujourd'hui, c'est Sofia Coppola, etc., Marie-Antoinette a toutes les vertus. À l'époque, pour la gauche, même modérée, c'est la méchante reine. Il y en a encore qui pensent comme ça. Voilà. Finalement, Jean Renoir, il aurait pu devenir un cinéaste de pure propagande pour le Parti communiste, ou pour l'Italie fasciste, ou pour Vichy. Mais finalement, qu'est-ce qu'il a sauvé tout ça? C'est ce qu'il dit, ça? C'est l'esprit d'intimité? C'est l'humanité? C'est la caméra cachée dans un coin? C'est qu'il reste quand même en Renoir, parce que le grand maximum d'engagement, c'est évidemment « La vie est à nous ». Or, il ne fait que superviser pour un film qui ne sera pas diffusé dans les salles de cinéma, mais dans les meetings du parti. Il est alors, comme dans « Le crime de Monsieur Lange », superbe film du début de l'année 36, il est franchement anard. Bref, il reste fondamentalement en Renoir, et dans « La règle du jeu », toutes les contradictions, donc tout le chef-d'œuvre, sont là. Donc après la guerre, Jean Renoir va revenir en France, il tournera de nombreux films encore en France et aux États-Unis. Il mourra en 1979 à Beverly Hills. Brièvement, quel est le film de Renoir que vous préférez, Pascal Horry? Oh, ça reste quand même La règle du jeu. Tout le monde est là, le fameux Alain Renoir, le fils de Renoir, qui est un personnage assez extraordinaire. Et Jean Renoir lui-même. Son destin. Jean Renoir lui-même qui joue. Avec toute la troupe de Renoir, c'est le final de la France de cette époque, oui. Merci beaucoup Pascal Horry. Votre livre « La belle illusion, culture et politique sous le signe du Front Populaire » est édité chez Plon. Vous êtes l'auteur plus récemment de « Ce que dit Charlie, 13 leçons d'histoire » chez Gallimard et encore plus récemment « Peuple souverain » chez Gallimard encore. Et à lire bien sûr l'excellente biographie de Jean Renoir signée par Pascal Mérigeau chez Flammarion. C'est la fin pour ce soir d'Autant n'importe l'histoire. Cette émission et toutes celles que vous auriez manquées sont disponibles à la réécoute et en podcast sur notre site franceinter.fr. Et vos commentaires et suggestions, bien sûr, sont les bienvenus sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous parlerons d'un personnage qui, il y a 80 ans, est entré dans l'histoire. C'était le 17 juin 1940, alors que l'armée d'Hitler envahit la France. Jean Moulin, le futur chef de la résistance, qui est alors préfet d'Eure-et-Loir, refuse pour la première fois de céder au chantage de l'occupant et entre ainsi en résistance. Jean Moulin, premier refus, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.